Il faisait nuit noire derrière les vitres, et le père de Brugge, qui faisait semblant de lire depuis un bon moment, voyait le reflet de son fils dans la fenêtre. Brugge tournait comme un fauve enfermé, et son père savait qu'il ne l'interromprait pas explicitement dans sa lecture. Il se contenterait de déplacer de l'air et faire résonner ses pas jusqu'à ce qu'on lui accorde l'attention qu'il désirait. Il avait toujours été maître en cet art. « Arrête de tourner, Brugge !» finit-il par dire. « Ta mère avait horreur de ça. » Brugge n'arrêta pas de tourner. Toujours parler de maman comme si cela avait encore un sens. « Je ne sais pas si tu es au courant, mais ça fait presque 8 ans qu'elle est morte. » Le vieil homme referma son livre avec un soupir inaudible et se résigna à faire pivoter son fauteuil de manière à voir son fils. « Oui, Brugge, je sais. Pourquoi tu ne veux pas voir Serena ?»« Je n'ai pas envie de voir Serena. » Il tournait toujours et son père songea que la conversation qui commençait n'augurait rien de bon. « Tu t'es disputé avec elle ?»« On ne se dispute pas avec Serena. Serena est sereine, comme son nom l'indique. Je ne l'ai jamais vue en colère. » « Eh bien, sa sérénité te ferait certainement du bien. » Brugge s'immobilisa, signe que son énervement atteignait à son paroxysme. « Je t'ai dit que je n'avais pas envie de la voir. De toute façon, elle ne me supporte pas quand je suis dans cet état. Elle dit que c'est infantile. » Le vieil homme ne put s'empêcher de sourire. « Qu'est-ce qui te fait sourire ? Ne sois pas si agressif, mon fils. Je souris parce que je ne sais pas quoi faire d'autre. » Brugge le considéra un moment, puis recommença à tourner. « Eh bien, moi non plus, je ne sais pas quoi faire. Mais moi, ça ne me fait pas sourire. Ça me met en rage. Et ça me met en rage de te voir là, calmement assis avec ton livre à la main, en train de te dire, si seulement il pouvait débarrasser le plancher, je pourrais finir mon chapitre. Et ça me met en rage de savoir que Serena ferait exactement la même chose si elle était devant moi. Vous ne vous rendez pas compte ou quoi ? On est enfermés, enfermés comme des singes sur cette île à jouer un jeu dont on n'a pas les règles. » « Mais toi, évidemment, tu es un esthète. Je suppose que tu es au-dessus de ça. Tu es injuste. Tu n'as pas le droit de reprocher aux gens de ne pas se trouver dans la même humeur que toi au même moment que toi. Mais avec toi, papa, ce n'est pas une question d'humeur. C'est une question de tempérament. Tu as toujours été résigné. Tu as toujours pris ton parti de toutes les situations. Tu as subi la vie, la paternité, le deuil avec la même passivité monstrueuse. « Mais regarde-toi enfin, tu es en train de me subir et tu ne réagis pas. » Le vieil homme marqua un temps d'arrêt, puis il fit à nouveau pivoter son fauteuil. « J'aimerais finir mon chapitre, Brugge. » Il savait que son fils se tenait debout et exaspéré. Il pouvait presque sentir dans son dos la brûlure de son regard. Il rouvrit son livre et se força à suivre des yeux les lignes de texte, bien qu'il fût trop affecté pour les comprendre. Il n'entendit rien pendant 1 minute environ, puis soudain, il y eut un grand fracas juste derrière lui, un bruit de plâtre qui vole en éclats. Il ne se tourna pas, mais regarda dans la vitre et croisa le reflet du regard de Brugge. « Je viens de casser ta statue favorite, » dit Brugge d'une voix très calme. « Je crains qu'on ne puisse pas recoller les morceaux. » Le regard se soutint un assez long moment à travers la vitre de la fenêtre opaque, puis Brugge quitta la pièce.